Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Gilles Latulippe, le dernier grand maître du burlesque au Québec. Est-ce que c'est facile d'être comique? C'est facile si le texte est bon, bien sûr. Si on... D'abord, ça ne joue pas tout seul, la comédie. Ça prend des partenaires à côté. Puis si on est bien... Si on est bien entouré, c'est beaucoup plus facile. Si on est le seul à établir un rythme qui est très important au comique, par exemple, si les autres laissent tomber le rythme, à ce moment-là, on n'est jamais capable d'installer le rythme qu'il faut pour faire rire. Faire un gag un peu trop vite ou le faire un peu trop tard, il n'y a pas de rire, c'est fini, ça ne marche pas. Il faut le faire juste au bon moment. Gilles Latulippe répondant à une question de Jean Duceppe à l'émission « Appelez-moi Lise » en 1975, Gilles Latulippe connaissait par cœur la mécanique du rire. Cet extrait d'entrevue nous le montre d'ailleurs très bien. Patron du Théâtre des variétés pendant plus de 30 ans, Gilles Latulippe a aussi été présent au petit écran dans les années 60, 70 et 80. Son talent, bien sûr, mais aussi sa personnalité attachante ont fait de lui l'une des vedettes québécoises les plus populaires de son temps. Merci, vous avez fait de moi un homme heureux. Merci beaucoup. Gilles Latulippe semblait en pleine santé lorsque le Festival Juste pour rire lui a rendu hommage en juillet dernier. Il y a un mois, il montait encore sur les planches dans son théâtre à Drummondville, où il a offert plus de 800 représentations au cours des deux dernières décennies. D'ailleurs, moi, il va falloir que je vous quitte bientôt, à mon grand regret. Oh, tape-toi pas pour moi, de toute façon! Gilles Latulippe a fait ses débuts en 1959 en incarnant le frère Nolasque dans Bousille et les Justes de Gracien Gélinas. En plus de jouer au théâtre et dans les cabarets, il a été une figure marquante du petit écran pendant 30 ans, notamment dans Symphorien, Les Brillants et Le Zoo du Capitaine Bonhomme, aux côtés d'Olivier Guimond. Gilles, pour ma vertu bafouée! On se souvient aussi de lui pour son animation décoiffante des Démons du Midi avec Suzanne Lapointe et sa collaboration avec Jeannine Suteau dans Poivre et sel. Bon anniversaire, Marie-Rose. J'ai adoré jouer Poivre et sel. On a adoré ça. Parce que si Gilles faisait rire, et lui-même était très rieur, il pouvait te faire pleurer. Hein? Gilles Latulippe a été un mentor pour plusieurs générations d'humoristes. Sans Gilles Latulippe, je pense que le burlesque, le slapstick serait mort au Québec. C'est vraiment lui qui a tenu ça toutes ces années-là encore. Après Olivier Guimond et Lapoune, c'est tout un pan de l'humour québécois qui s'éteint avec lui. C'est un être rare. Oui, c'est ça, c'est ça. Extrait du reportage de Tania Lapointe présenté le jour de la mort de Gilles Latulippe le 23 septembre 2014. Pour nous rappeler le parcours exceptionnel de Gilles Latulippe, je reçois Pierre Lavoie, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal, qui s'intéresse de près à tout ce qui tourne autour de la scène du burlesque au Québec. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Comment décrire en quelques mots, Pierre Lavoie, l'importance qu'a eu Gilles Latulippe dans l'univers du spectacle, du monde des variétés chez nous? D'abord, on l'a très bien entendu dans les extraits, c'était un artiste extrêmement populaire, apprécié non seulement comme artiste, mais aussi comme homme, sa personnalité. Pour moi, ce qui est le plus important avec Gilles Latulippe, c'est que c'est une figure de passeur, notamment entre deux époques des spectacles et de la scène de l'humour et du comique au Québec et du théâtre populaire, mais aussi entre deux époques des médias. Il va réussir à amener cette culture qui vient des années 30, 40, 50 du théâtre burlesque, qui va être perfectionnée notamment par les artistes de Jean Grimaldi comme Olivier Guimond, et il va transporter ça à la télévision. Il va réussir à garder ça dans le paysage télévisuel et sur scène aussi avec le théâtre des variétés, avec ses théâtres d'été. Il va garder cette culture-là active et vivante jusqu'à son décès, en fait. Donner un nouveau souffle au burlesque qui pourtant, au fond, c'est un enfant du burlesque. Il naît au moment où le burlesque commence, ou en tout cas à s'essouffler, mais il réussit à lui donner une nouvelle vie. Oui, lui, il naît en 1937. En fait, il naît au moment où le théâtre burlesque est très populaire, mais au moment où lui commence sa carrière dans les années 50, c'est en train de s'essouffler. On sait que les théâtres de Jean Grimaldi, par exemple, comme le dernier grand théâtre qu'a eu, le Radio-Cité, au milieu des années 50, ils se ferment tranquillement. La télévision joue un certain rôle là-dedans. Ouais. Ça change les habitudes de consommation de loisirs des gens, mais aussi la médiatisation des artistes fait en sorte qu'ils demandent des cachets plus élevés. Donc, c'est plus dur de faire des grands spectacles théâtraux. Donc, Gilles Latulippe, comme ça, lui, il va commencer à cette époque-là. Et dès les années 60, il va vouloir aller puiser dans ce répertoire-là, mais non seulement dans le répertoire, aussi aller chercher les artistes qui mettent en scène ce répertoire-là. Et il sait ce qu'il veut faire. C'est pas un hasard qu'il décide d'embrasser cet art, cette tradition du burlesque. Il a une vision du théâtre, du spectacle, du côté de l'art populaire, nettement. Tout à fait. Dès son enfance, il va être très, très attiré par des émissions humoristiques comme, par exemple, Le ralliement du rire, où travaille notamment Marcel Gamache. Il va beaucoup vouloir s'investir dans cette culture-là du théâtre populaire. D'ailleurs, il y a dans une entrevue, il témoigne du fait qu'Olivier Guimond, quand ils se sont rencontrés dans les années 60 et qu'il s'est mis à parler du fait qu'il voulait poursuivre la tradition du burlesque, poursuivre cette forme de théâtre-là, il lui a dit « Fais attention, Gilles, c'est le genre de théâtre pour lequel tu ne recevras jamais de subventions, jamais de bonnes critiques. L'industrie en tant que telle ne laisse pas beaucoup de place à ça. Guimond, père et fils, avait été énormément critiqué pour ce type de théâtre-là. Mais pour La Tulipe, c'est extrêmement important de toujours offrir le plus possible au public. Et le plus, dans son cas, ça veut dire le plus de rire possible. Ouais. Et puis ce qu'il autorise, peut-être plus qu'un Olivier Guimond, à aller de ce côté-là sans se sentir coupable ou délaissé par une certaine élite, c'est que Gilles Latulippe, au début de sa carrière, va quand même toucher au théâtre plus prestigieux, plus reconnu. Parlez-moi un petit peu de ça, de comment, entre autres en travaillant avec Gracien Gélinas, mais parlez-moi de ça, comment il va glisser vers la scène. Et contrairement justement à Olivier Guimond, qui va faire toute sa carrière dans les tournées, dans les cabarets et tout, qui va essayer à la fin de sa carrière de faire du théâtre plus légitime ou qui aurait voulu en faire puis qui voulait se rapprocher de Radio-Canada, par exemple, La Tulipe, lui, commence à Radio-Canada. Il va travailler à la discothèque de Radio-Canada, notamment avec un autre grand de l'humour au Québec, qui est Yvon Deschamps. Oui. Et c'est lui qui va lui conseiller d'aller prendre des cours d'art dramatique avec François Roset, qui est un célèbre acteur de l'époque. Et La Tulipe va travailler ensuite avec La Roulotte de Paul Buissonneau. Ça va être ses débuts en 59 au théâtre. Et tout de suite, il va se faire repérer par Gracien Gélinas, qui va l'inviter à faire le personnage du frère Nolasque dans Bousiller les Justes, qui est une pièce qui va connaître un grand succès. Et Gracien Gélinas, même s'il est du côté de la comédie, ça reste que c'est un personnage qui est respecté du milieu littéraire, même du milieu des autorités culturelles, si on veut, au Québec. Et donc, c'est dans ce contexte-là que commence La Tulipe. Ouais. Il commence pas sur les planches des cabarets, il commence dans un contexte plus légitime, entre guillemets. Et ça, bien entendu, ça va lui permettre probablement de gagner une certaine confiance par rapport à sa valeur comme artiste. Ouais. Mais assez vite, quand même, il va, parce que c'est trop fort en lui, le gamin que vous nous décriviez, qui écoutait la radio, c'est le genre d'émission qu'il branche, lui, c'est l'humour populaire. Donc, assez vite, il va quand même se retrouver sur scène à faire du cabaret, entre autres avec son ami Robert Desroches. Oui, avec Robert Desroches, ils vont commencer à faire du cabaret. La Tulipe va dire que c'est qu'au début des années 60, c'est assez difficile pour un jeune acteur comique de trouver des rôles dans les médias, à la télévision notamment. Et il va garder un très bon souvenir du cabaret, qui est un métier très dur, souvent dans des contextes où les gens sont un peu imbibés d'alcool et que ça se termine très tard dans la nuit. Mais il va garder non seulement un bon souvenir de son expérience-là, où il rencontre Olivier Guimond, où il développe son métier, où il développe son timing du punch, donc ouais. de la bonne ligne comique, mais aussi parce que c'était un très bon moyen de gagner sa vie. C'était, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le théâtre populaire, lui, a ralenti à la fin des années 50, mais le cabaret, au début des années 60, était encore extrêmement populaire et lucratif pour les artistes. Vers 63-64, arrive pour Gilles Latulippe une émission de télé qui va être vraiment très, très importante pour lui, le zoo du Capitaine Bonhomme, présenté à Télémétropole. C'est vraiment ce qui va lancer sa carrière à la télé. Je cherche le cousin Fredé. Le cousin Fredé? Oui, j'étais en train de jouer à la balle, mais j'ai perdu la balle. Hein. Alors, si je pouvais avoir la tête de Fredé, je pourrais frapper dessus, j'aimerais ça. Qu'est-ce que vous dites là? Mais le capitaine Bonhomme et moi, on enregistrait les 5 heures le samedi. 5 heures d'émission? Exact. Combien d'heures de texte pour 5 heures d'émission? Il n'y en avait pas. Zéro. Ah non. On se rencontrait une fois au début de la semaine. On disait, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ouverture, fermeture? Alors, oui, peut-être ça. Et on prenait des notes pour être capable d'avoir l'accessoire. S'il fallait un escabeau ou un traîneau, on le notait. Une chaise berceuse. Et c'était tout. Et là, quand on se voyait le samedi matin à 7 heures, on regardait le traîneau. C'était quoi l'histoire du traîneau? Ah oui, OK. Et là, ça partait. Il fallait faire 5, 7, 8 minutes avec ça. Mais on ne savait jamais qui allait commencer à parler, hein, seulement. Là, le régisseur dit, attention, une minute, on jasait. Olivier, il faisait du cabaret, puis moi aussi, où est-ce que tu es, Olivier? Ah, je suis à Trois-Rivières, ouais, à Québec, etc. Ah, oui, attention, 30 secondes, ouais, qu'est-ce que tu joues quoi? Ah, je joue tel numéro, etc. Attention, 10 secondes. Là, on ne savait pas personne qui allait parler. Écoute, là, il disait, mais là, ça, c'est parti. C'était parti. Gilles Latulippe qui répond aux questions de Stéphane Bureau à l'émission Les grandes entrevues juste pour rire en 2009. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient d'entendre et ça dit beaucoup sur la façon dont va travailler Gilles Latulippe aux eaux du Capitaine Bonhomme, mais plus tard aussi dans sa carrière, la place qu'occupe l'impro dans sa carrière. Quelle place ça occupe? Ah, c'est extrêmement important. Justement, c'est assez drôle parce que lui, il va commencer avec du théâtre écrit, les pièces de Gratien Gélina, par exemple, mais à partir de ses expériences à Télémétropole, qui est un bastion pour tous ceux qui viennent de... les artistes qui viennent de la scène du théâtre populaire, comme Guimond, il va beaucoup développer ses talents d'improvisation et ça va le suivre dans à peu près toutes ses entreprises par la suite, notamment au Théâtre des variétés. Quand il va commencer au Théâtre des variétés, il n'y a aucune idée de ce qu'il va faire avec les canevas burlesque d'une autre époque, c'est les artistes de cette scène-là qui vont lui montrer comment réagir sur scène, comment toujours être prêt à développer à partir d'une toute petite prémisse. On part avec une ouverture et après ça, on se lance pendant des heures pratiquement. Et c'est un talent qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie. Il va être un conteur de jokes, conteur de blagues absolument incroyable qui va toujours être capable de trouver dans la conversation qui est autour de lui la prémisse d'une blague. Et les autres du Capitaine Bonhomme, pour revenir à cette émission-là, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie pour lui, sa vie télévisuelle qui va être très, très importante. Ça va être une grande vedette de la télé. Ça commence avec cette émission-là, mais il y en aura plein d'autres ensuite. La Télémétropole d'abord. Oui, avec certaines présences à Radio-Canada au tournant des années 60, notamment la série qui n'a pas duré très longtemps, Antoine, qui était un hommage, si on veut, au cinéma muet. Mais oui, c'est à Télémétropole avec le Zoo, puis ensuite avec Cré-Basile. Il va être invité par Marcel Gamache à interpréter le rôle du cousin de Basile, qui est interprété, lui, par Olivier Guimond. Et le personnage qu'il fait, Saint-Forest, dans cette émission-là va être tellement populaire qu'il était censé au départ être là seulement pour un épisode et il revient par la suite. Il va même avoir une série au complet qui va être faite là-dessus. Il y en a une autre bonne. C'est deux gars, ils parlent pas anglais, tu sais, puis il est en train de se baigner dans la piscine en anglais, puis l'anglais, il parle pas français. Et puis, sans la permission de l'anglais, tu sais. À un moment donné, l'anglais les aperçoit, puis il a crié « Hey, what are you doing in my swimming pool? » L'un des deux, il dit « On se baigne ». L'anglais, il dit « What ?» Il dit « On se baigne, 11 donuts ah! ». C'est-tu bon? Ben, je ne la comprends pas, c'est un... Voyons, « On se baigne, 11 donuts ». 11 donuts. Ah oui, je viens de comprendre. « Bang » en anglais, c'est « donuts ». C'est ça. Ah, alors, cette série, cette émission Symphorien dans laquelle va jouer Gilles Latulippe de 70 à 77, ça va être un immense succès populaire, Pierre Lavoie. Enfin, j'allais dire tout le monde, pas mal de monde à l'écoute doivent se souvenir encore de cette émission-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette série-là marche tant? Bien, je pense notamment grâce au charisme de Gilles Latulippe, aussi parce qu'il réussit dans cette émission-là à amener dans le quotidien des gens un univers qui est à la fois un peu farfelu, mais aussi extrêmement ancré. Il va dire notamment en entrevue que lui et Marcel Gamache passent des heures et des heures à se parler au téléphone d'anecdotes que les deux ont vécues. Ils vont s'inspirer énormément de ça. Il va même dire que tout ce qui se passe dans Symphorien est tiré d'un fait vécu. On peut en douter un tout petit peu, mais quand même, ça reste que c'est quelque chose qui est à la fois très créatif, très imaginatif, mais aussi très quotidien, très, très, très ancré dans le quotidien des Québécois. Et sa collaboration avec Marcel Gamache va devenir beaucoup plus qu'une collaboration professionnelle. Ça devient une amitié extrêmement profonde. Et j'imagine que cette amitié-là entre le créateur de la série et son interprète principal joue aussi dans le fait qu'on y trouvait un lieu familier, qu'on y trouvait un lieu de rassemblement. Puis avec l'extrait qu'on vient d'entendre, je reviens à ce canevas, à cette manière, à ce mode d'emploi du burlesque. Mais c'est ça aussi. Fernand Gignac, qui comprend jamais les blagues de Symphorien, c'est une forme de straight man, au fond. Absolument. Il va reprendre Gilles Latulippe. Il va développer ça beaucoup au cabaret dans les années 60 et il va reprendre par la suite à la télévision cette dynamique-là qu'il y a entre le straight man et le comique. Que Olivier Guimond faisait aussi avec Denis Drouin, avec Paul Desmarteaux dans les décennies suivantes et même de façon assez contemporaine dans les années 60. Et ça permet de créer une dynamique sur les différences corporelles, une dynamique sur le niais, niais et celui qui est plus rapide un petit peu. Et c'est à peu près c'est à la base de toutes les blagues de Gilles Latulippe à l'époque. Donc, gros succès. Et puis, au début des années 80, cette décision de Gilles Latulippe de quitter Télémétropole, oui, il aura travaillé un peu à Radio-Canada, mais en gros, ça se passait à Télémétropole, la carrière télévisuelle de Gilles Latulippe. Il arrive à Radio-Canada, puis là encore, le succès est au rendez-vous. Oui, il arrive à Radio-Canada, il va jouer dans Poivre et sel avec Jeannine Suteau. Cette fois-ci, il interprète un personnage beaucoup plus âgé. Il va en parler comme d'un rôle de composition, en fait, parce que jusqu'à maintenant, c'était justement son personnage un peu de comique, de scène burlesque ou de cabaret qu'il va transposer dans Symphorien, dans Cré-Basile et compagnie. Là, il va avoir quelque chose d'un petit peu plus... bien entendu, c'est comique, mais il va avoir quelque chose d'un petit peu plus émotif, un peu plus dramatique qu'il va développer avec la très grande actrice qui est Jeannine Suteau aussi. Celui qui pouvait faire pleurer aussi, disait Jeannine Suteau au tout début de l'émission. Les démons du midi, est-ce que c'est votre concept à tous les deux ou est-ce que vous avez été engagés pour faire ça? Est-ce que c'était l'idée de quelqu'un d'autre? On nous a demandé un concept pour le midi, puis graduellement, on a trouvé quelque chose. C'est sûr qu'on voulait, rendre l'humour très important à l'intérieur de cette émission-là, c'est sûr. Alors, quand on m'a demandé de trouver une partenaire ou un partenaire, c'est fou, il n'y a vraiment pas eu d'hésitation. Tout de suite, j'ai pensé à Suzanne, et puis c'est les gens avec qui on parlait ont été d'accord, c'était unanime. C'est le choix, ça sert à rien. Essayons pas de chercher ailleurs, c'est ça. Je me rappelle d'ailleurs un article au moment où ça avait commencé, un journaliste, je me souviens plus qui disait cette idée-là est tellement bonne, c'était une idée parfaite. Télémétropole s'est fait prendre une idée qui aurait été formidable. Bon, tant mieux pour Radio-Canada. Mais on avait vécu un peu l'expérience ensemble au théâtre, et puis je veux dire, avec quelqu'un où ça clique ou ça clique pas, c'est pas long à savoir ça. Et Gilles, je trouve qu'il y a un esprit. Et ce que j'aime dans son esprit, là, tu vois, t'aimeras pas ça. Ce que j'aime dans son esprit, c'est que c'est un homme extrêmement cultivé et intelligent avec une mémoire extraordinaire. Moi, j'aime pas l'esprit bébête. Quand tu fais des farces, quand tu dis « Ah, t'es donc niaiseux », d'accord, mais son esprit est intelligent. Ça, j'aime ça. Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe à l'émission Christiane Charette en octobre 1991. C'est donc à Radio-Canada également que Gilles Latulippe va co-animer cette émission Les démons du midi avec Suzanne Lapointe pendant 6 ans, Pierre Lavoie. C'est intéressant cette émission-là parce que ça nous parle de Gilles Latulippe. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, Les démons du midi? Ça dit plusieurs choses. D'abord, ça en dit beaucoup sur sa polyvalence. On a beaucoup parlé de son jeu de comédie au théâtre et dans les comédies de situation à la télé, mais il a déjà de l'expérience d'animateur depuis le 5 à 6 à la fin des années 60. Et particulièrement, je reviens sur la figure du passeur, il va donner une place extrêmement importante à la comédie et à la comédie de tradition burlesque dans Les démons du midi. Il va beaucoup faire d'ouverture d'émissions à grand déploiement, comme les shows musicales, comme les spectacles musicaux de Jean Grimaldi dans les années 50. Il va se travestir un peu comme Gilda. Il va beaucoup laisser la place aussi à certains intervenants. Il va réinviter Jean Grimaldi à venir faire certains sketchs. Et par ailleurs, il va transmettre cette culture et cette tradition du burlesque-là aux plus jeunes. Il y a notamment l'humoriste Réal Bellan qui va faire beaucoup d'apparitions aux Démons du Midi dans les sketchs. Donc, pour moi, les Démons du Midi, c'est encore une façon dans un spectacle, dans une émission de variété quotidienne, c'est encore une façon de transmettre la culture du burlesque qui lui est si chère. Ouais. On termine cette émission en parlant évidemment du théâtre de variété. On ne peut pas faire une émission sur Gilles Latulippe sans parler du théâtre de variété. Vous l'avez déjà évoqué d'ailleurs un petit peu ce théâtre-là au cours de l'émission. On l'écoute d'abord nous en parler du théâtre des variétés à l'émission Le Grand Carrousel du samedi matin en octobre 1980. Ça prenait 29 ans d'abord. Il fallait avoir 29 ans comme je les avais pour risquer tout dans le fond parce que c'était un investissement énorme. J'ai acheté le théâtre, moi. Ah, c'est tout à vous, ça? Mais oui, à 29 ans, on se dit, si jamais je me trompe, ben, à 30 ans, je peux toujours recommencer. Et ça y est, je suis parti là-dedans. Et Heureusement que je connaissais beaucoup d'artistes qui m'ont aidé. Par exemple, Guimond venait au Théâtre des Variétés. Il ne me chargeait pas ce qu'il chargeait au cabaret. Il le faisait par amitié. Bien sûr, je le payais, mais jamais le montant qu'il valait, j'aurais pas pu. Ce sont des gens comme ça qui ont réussi à faire connaître le théâtre. Et c'était important parce que le théâtre se voulait un endroit de comédie, strictement un endroit de comédie. Et à chaque semaine, depuis, ils se montrent des spectacles. Et à chaque fois, les gens ne se posent même plus de questions. Ils savent que ce sera de la comédie et ils s'amènent sans savoir bien souvent ce qu'ils jouent. Qu'est-ce que ça représente, cette aventure du Théâtre des variétés pour Gilles Latulippe? Pour lui, c'est le projet d'une vie. Il va en parler comme de la plus belle époque de sa carrière. C'est une longue époque dans sa carrière. C'est de 67 à 2000 quand même. Pour lui, ça va lui donner l'occasion, premièrement, de prendre ce rôle justement de transmetteur d'une culture, mais aussi de côtoyer les plus grands noms de la période qui le précède. C'est en 1967, c'est Jean Grimaldi qui va l'aider à mettre en place les structures du théâtre, qui va même être maître de cérémonie sur les premiers spectacles. C'est les artistes comme Manda Parent, Olivier Guimond, Denis Drouin, qui vont lui apprendre les canevas burlesques, les canevas théâtraux de l'époque qui précède. Et il va continuer dans cette tradition-là pendant justement plus de 30 ans. Et c'est extrêmement populaire, le Théâtre des variétés. Là. Pendant toutes ces années-là, toutes les saisons d'automne, hiver et printemps, c'est 7 soirs sur 7. On monte un nouveau spectacle à chaque semaine, souvent des revues à grand déploiement, des comédies musicales. Donc, il va se poser positionné comme étant celui qui permet encore aux Montréalais d'avoir un divertissement populaire, un divertissement quotidien qui disparaissait tranquillement. Ouais. En fait. En offrant sur une scène théâtrale un produit différent de ce que les autres théâtres offraient et en amenant probablement au théâtre une partie du public qui n'allait pas dans les autres salles non plus. Ça, c'est déjà un exploit. Il nous a quittés quelques années, le 23 septembre 2014, Gilles Latulippe. Au final, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage, Pierre Lavoie? Il laisse énormément. Premièrement, le style d'humour qu'il faisait a inspiré des humoristes qui travaillent encore aujourd'hui. On peut penser au duo Dominique et Martin, qui réutilise la figure du straight man et du comique. C'est un personnage qui va avoir réussi, Gilles Latulippe, au long de sa carrière, à s'établir non seulement comme une figure extrêmement populaire, mais une figure aussi respectée, qui va recevoir des honneurs de l'industrie et des paliers gouvernementaux à différents moments, depuis les années 60 avec les prix Monsieur Radio-Télévision, jusqu'à devenir un membre de l'Ordre du Canada, un membre de l'Ordre du Québec au début des années 2000. Donc, c'est un personnage qui, dans la culture québécoise, est pour moi une des plus grandes figures de passeurs médiatiques et culturelles. Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, spécialiste de la scène burlesque au Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.